Allons, allons, et à la lie. C'est l'hiver bien connu qui s'amène. Oh, les tournants des grandes routes, et 100 petits chaperons rouges qui cheminent. Oh, leurs ornières des chars de l'autre mois, montant en donquichotesque rail, vers les patrouilles des nuées en déroute, que le vent malmène, vers les transatlantiques bercail. Accélérons, accélérons, c'est la saison bien connue cette fois. Et le vent, cette nuit, il en a fait de belles. Ô dégâts, ô nids, ô modeste jardinier, mon cœur et mon sommeil, ô écho des cogniers. Tous ces rameaux avaient encore leurs feuilles vertes. Les sous-bois ne sont plus qu'un fumier de feuilles mortes. Feuilles, folioles, qu'un bon vent vous emporte vers les étangs, par ribambelle, ou pour le feu du garde-chasse, ou les sommiers des ambulances, pour les soldats loin de la France.